les fabrications charcutières, salaisonneries, etc., la plupart du temps, les entrepreneurs ou bien les charcutiers n'ont pas la matière première à proximité. Et par ailleurs, elle n'a plus de spécificité. Elle en a encore en Corse, où il y a des races locales de porcs qui sont bien particulières, le porc ibérique qu'on retrouve aussi en Espagne. Et donc, il y a encore ça et là. Et dans le Pays basque aussi, en France, il y a une relance du porc basque avec des charcuteries particulières. Et là, il y a d'ailleurs une demande d'appellation d'origine contrôlée pour une charcuterie basque. Mais pour les autres charcuteries, on est dans une logique d'indication géographique protégée. Et ça, ce sont des logiques de raisonnement que l'INAO a du mal à accepter parce que ce n'est pas dans sa culture.